Chapitre 4e, Vox Populi. Au sortir de la forêt, ils s'enrobèrent en côtoyant la mer. Les voiles barbaresques avaient grandi à l'horizon. On distinguait le corps mince des felouques et la silhouette des vergues et des mâts. Les corsaires entouraient l'île de tous côtés, mais ayant jeté l'ancre, ils restaient à distance. Le prince et la princesse détournèrent leurs yeux avec indifférence et se sourirent tendrement. Leurs chevaux foulaient la plage humide, tout au bord des vagues bleues qui s'étalaient en nappes d'écume. Ils imprégnaient le sable de la marque de leur fer qui s'effaçait derrière eux. En s'approchant du palais, Orlys et Férimonde aperçurent de loin une foule sur la plage et ne doutèrent pas que ce ne fût le petit peuple de l'île, assemblé pour contempler les barbares et se lamentant. Le vent leur apporta des murmures où ils crurent discerner des plaintes et des sanglots. Puis, une grande rumeur s'éleva. On venait de les apercevoir, et tout le peuple se précipita à leur rencontre en poussant des clameurs confuses. Quoique brave, Orlys pâlit, et regardant sa sœur pour la protéger, il porta la main à son couteau de chasse qu'il tira à demi. Mais Férimonde, la tête haute et les yeux brillants de fierté, s'écria « Le fer au fourreau, Orlys, je saurai leur parler. Que leur devons-nous? N'ont-ils pas partagé nos plaisirs? N'ont-ils pas savouré l'oubli des misères et des maux de la vie? Ne se sont-ils pas enivrés avec nous du songe éternel? Ne partagerons-nous pas leur sort? Ah, s'ils sont assez ingrats !» Mais elle se tut, surprise, car à mesure qu'elle parlait, elle distinguait mieux les arrivants, et elle vit qu'ils portaient des palmes vertes, et qu'au lieu de vociférer, calmes, ils chantaient en chœur, comme aux jours heureux, un hymne de fête. Bientôt le cortège se précisa. En tête marchait le mage, Aldébar, reconnaissable à sa haute stature et à sa barbe blanche. Ensuite venaient les femmes de la princesse, de toutes jeunes filles couronnées de roses, puis les courtisans du prince, de jeunes hommes qui brandissaient des touffes d'hyacinthe, enfin les serviteurs, les laboureurs et les pêcheurs secouant l'air des palmes vertes. Une joie sereine, la confiance, la sécurité brillaient sur tous les visages. Leur chant, à mesure qu'ils approchaient, alerte en s'affaiblissant, et quand ils furent devant Orlys et Férimonde, s'éteignirent. Alors tout le peuple s'agenouilla, tandis qu'Aldébar restait debout. Il étendit le bras, et les jeunes filles, parlant par la plus belle, implorèrent avec une grâce touchante le prince et la princesse. « Nos chères délicates, nos blancheurs liliales, nos suaves virginités ne sont point faites pour être violées par les barbares. Accordez-nous, prince et vous, princesse, de mourir en la fleur intacte de notre beauté. » Les seigneurs, à leur tour, dirent « Il ne nous plaît pas d'aller ramer chez les corsaires, et nous ne nous soucions pas, fût-ce pour le plaisir d'en exterminer, de voir de près leur laide figure. Accordez-nous, gracieux suzerain, de mourir les mains pures de sang, et sans souiller nos habits de fête. » Nous ne voulons point, dirent les serviteurs, devenir esclaves des forbans. Ni labourer pour eux, dirent les paysans, ni pêcher pour eux, dirent les marins. Et tout le peuple en chœur murmura. Nous avons été heureux. Nous ne voulons pas cesser de l'être. Grâce vous soit rendue. Nous ne pouvons rien désirer de plus qu'une mort douce et paisible. Le prince et la princesse répondirent. Réjouissez-vous jusqu'au soir. Nous nous endormirons dans la nuit étoilée pour ne plus nous réveiller. Alors les jeunes filles, les jeunes seigneurs et tout le peuple agitèrent en signe d'adhésion roses, hyacinthes et palmes, et se rangeant derrière le mage, l'âme en fête et chantant, ils escortèrent Orlys et Férimonde dans leur palais.